Rasalem Bangi, l'Istanbul est à Komona, l'Itoyam Zoko est à l'Ikoyo Kanapore Equatorial. Oyez à l'Iviva la musique avec Percy John Zekbides. Jean-Marie Bola, attends moi toi Seigneur de Osangilelo, et Sanyo sera comme un sambi. Roger Moukana, que Moussa rénové, oh papa, maloba oyo tolo baka et outaka na bongo, yokanisi ma bena malamu, et kitisi na monoko yo no biye. Yo, yo, yo.